côté tu dis. Prends tout ce que tu veux, faut rouler en l'air court. Passe ton temps à tenir du shit, après tu te cadres chez le speed. On soulève le bitume, on soulève le bitume. Les gros soient pas le bloc, c'est maintenant qu'il faut des tubes. Montre ce que tu veux, faut rouler en merco. Tu perds ton temps à tenir du shit, après tu te plains du chimismique. Je commence doucement, histoire d'apprécier le son. Puis je monte le son avant pour pouvoir entendre ce bruit incessant. Après commence la galère, que les fachos niquent tous leur mère. Je marche d'une telle manière, devant le meuf je sais que ça va le faire. Bref, je vais t'expliquer comment ça se passe dans nos quartiers. Quand je vois les gens galérer, je me dis que je dois persévérer. Mais la rue est sévère, elle fait tomber nos frères. Nos darons ne savent plus quoi faire ici, même je te le dis, c'est l'enfer. J'ai la chance parmi tant d'autres de réussir dans ma vie. Je ne compte pas rester ici, car ici, mec, c'est la cernée. Beaucoup sont tombés dedans et n'arrivent pas à se relever. Le beat est hardcore et mon niveau est surélevé. Je ne veux pas devenir, je veux construire mon avenir. La vie est trop courte pour me laisser aller. Le haram, je veux laisser tomber et dans l'in, je veux terminer. Faut se réveiller, perdre le seuil, fils pété. Pour les mecs plus bitus, pour les mecs plus bitus. Ne construis pas le bloc, c'est maintenant qu'il faut des tubes. Montre ce que tu veux, faut rouler en l'air court. Passe ton temps à tenir du shit, après tu te perds du chimismique. On soulève le bitume, on soulève le bitume. Ne construis pas le bloc, c'est maintenant qu'il faut des tubes. Montre ce que tu veux, faut rouler en l'air court. Tu perds ton temps à tenir du shit, après tu te perds du chimismique. Tu crois que je perds mon temps? Non. Tu crois que je perds mon temps? Non. J'ai pas que ça à faire, c'est le temps des affaires. Tout le monde avance, alors j'avance. Pas le temps de squatter les blocs, tout me faut des tubes. Négro, je vous montrerai ce que je vaux à pour vendre du shit. Négro, je veux plus que la famille me traite d'un squatteur de bleu. Qu'ils préfèrent me voir réussir que me voir derrière les barreaux. Je cherche du boulot pour pouvoir tenir le coup. Tous les jours, les schmicks sont chez moi. Marre de les voir chez moi, les dents vont péter les plombs. Vous trouvez ceci, cela. Marre de tout ça, Richie, ils voient les choses en grand. Perds pas ton temps, c'est maintenant qu'on soulève le bitume. Il est pas encore trop tard pour avoir des tubes. Fais ton business. Laisse pas les gens t'influencer, garde ton business. Y'a encore l'espoir, laisse pas le temps te faire des histoires. En dehors des territoires, ce combat on va faire tout ce qu'on peut pour obtenir tout ce qu'on veut du cash money. Pour les mecs plus pitus, pour les mecs plus pitus. Mais pour ça pas le plat, c'est maintenant qu'il faut des tubes. Montre ce que tu veux, faut rouler en l'air court. Passe ton temps à tenir du shit, après tu te perds du shit. On soulève le bitume, on soulève le bitume. Mais gros soit pas le bloc, c'est maintenant qu'il faut des tubes. Montre ce que tu veux, faut rouler en merco. Tu perds ton temps à fumer du shit, après tu te plains du chimismique. Je vois plus loin, faut que mon avenir soit une réussite. Je ne veux pas épouser le but, je n'ai pas que le béton, j'annonce tout de suite. Non, je ne suis pas un mec stupide, tu ne touches tout, tu ne sais pas lui. C'est de bugs de liquide qui coule fluidement dans les lycées, sauf les idées bêtement. Ils ne veulent plus crack, dealer dans la rue, y'a des milliards. Il suffit de nuage à la moto pour qu'il pleuve des corbillards. Roulant BMW, passe à SM pour le méta. À croire qu'on aime se retrouver dans des situations bâtards. De nos jours la rue est devenue synonyme de cauchemar. Les frères baissent les bras car ne voient pas plus loin que le placard. C'est affolant, je dirais même plus c'est désolant. T'es suffisant de penser, voilà l'exemple pour les roues que vous êtes ambiancés. Négro, ça suffit les mégots, vas-y fume autre chose, te fûterai plus haut. Ou bizarre comme étant un starco. Au lieu de te plaindre, cherche un boulot. Tu veux qu'on te considère autrement que de la merde. On fournit aucun effort, on va droit au but à notre père. Pour les mecs plus pitus, pour les mecs plus pitus. Ne construis pas le bloc, c'est maintenant qu'il faut des tubes. Montre ce que tu veux, faut rouler en l'air court. Passe ton temps à tenir du shit, après tu te perds du chimismique. On soulève le bitume, on soulève le bitume. Ne construis pas le bloc, c'est maintenant qu'il faut des tubes. Montre ce que tu veux, faut rouler en l'air court. Tu perds ton temps à tenir du shit, après tu te perds du chimismique. Pour les mecs plus pitus, pour les mecs plus pitus. Ne construis pas le bloc, c'est maintenant qu'il faut des tubes. Montre ce que tu veux, faut rouler en l'air court. Passe ton temps à tenir du shit, après tu te perds du chimismique. On soulève le bitume, on soulève le bitume. Mais gros, stop pas le bloc, c'est maintenant qu'il faut des tubes. Montre ce que tu veux, faut rouler en merco. Tu perds ton temps à fumer du shit, après tu te plains du chimismique.